Les enfants, j'ai connu des tribunaux révolutionnaires, des jurys de thèse, des commissions parlementaires, et plus inquiétant encore, des conseils de classe de fin de trimestre. Je puis donc vous l'affirmer d'une voix calme, comme on annonce une épidémie déjà ancienne, toute évaluation a ses manies, ses lubies, ses mots de code, ses grimaces administratives, et le grand oral n'échappe pas à cette vieille comédie humaine. On vous y jauge, on vous y soupèse, on vous y écoute avec cette attention particulière qu'ont les adultes lorsqu'ils prétendent ne juger que des compétences. Fort bien. Encore faut-il savoir ce qu'ils regardent. C'est précisément l'intérêt de la grille d'évaluation que je vais vous livrer. Elle ne dit pas tout, mais elle révèle l'essentiel. Elle montre ce que le jury attend, ce qu'il tolère, ce qu'il valorise, et la manière dont une prestation bascule de l'à peu près à la véritable maîtrise. Cette grille, l'institution la donne au professeur comme une célèbre marque de meubles suédoise, fournit le plan de montage. On se dit que c'est compliqué, et puis finalement non. Nous allons donc l'ausculter, cette grille, comme il convient. Sans panique, sans révérence excessive et avec ce mélange de patience, de méthode et d'ironie dont les vivants, et surtout les plus jeunes, quoique moi aussi, ont tant besoin pour survivre à l'institution scolaire. D'abord, une grille de correction n'est pas une cage, c'est une carte. Quand un élève entend le mot « grille », il imagine souvent un dispositif aussi rieur que les barreaux gris d'une prison, des cases, des niveaux, des colonnes, des termes vaguement techniques. Et pourtant, la grille a une vertu immense, elle dit noir sur blanc ce qui sera observé. Autrement dit, elle permet de remplacer l'angoisse floue par une préparation précise. Il faut être stratégique. Le jury n'évalue pas un mystère, il évalue cinq dimensions très concrètes de votre prestation. La qualité orale de l'épreuve, la qualité de la prise de parole en continu, vous me direz qu'on a du mal à voir la différence, la qualité des connaissances, la qualité de l'interaction et la qualité de la construction de l'argumentation. Rien que cela, me direz-vous. Certes, mais c'est déjà beaucoup plus rassurant qu'un vague « soyez bon » lancé depuis le rivage pendant que vous ramez au milieu du brouillard. La question n'est donc pas « vais-je plaire au jury ?» La vraie question est « est-ce que je sais ce que le jury va observer et suis-je capable de lui donner matière à bien m'évaluer ?» Je simplifie. Est-ce que je sais ce qu'il faut faire pour plaire au jury ? Premier critère, la qualité orale de l'épreuve. Commençons par ce qui s'entend avant même que l'on comprenne tout. La voix. La grille distingue ici 4 degrés. Au niveau très insuffisant, le candidat est difficilement audible sur l'ensemble de la prestation, il ne capte pas l'attention. Il parle peut-être, certes, mais comme un souvenir qui hésite à se rappeler. Au niveau supérieur, au niveau insuffisant, la voix devient plus intelligible au fil de l'épreuve, mais demeure monocorde. Le vocabulaire reste limité ou approximatif. On comprend mieux sans pour autant avoir envie d'écouter. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché de la tomate. Le marché de la tomate est mondialisé. Pour vous le prouver, je vais vous mimer une tomate qui se déplace de pays en pays. Au départ, elle est produite au Maroc, mais attention, avec des produits qui viennent du monde entier, c'est impressionnant. Hop, je change de pays. Magie de l'économie. C'est nul. Au niveau satisfaisant, quelque chose se met enfin à vivre. La voix varie un peu, la prise de parole s'affirme, le lexique est adapté, et surtout le candidat parvient à susciter l'intérêt. Au niveau très satisfaisant, la parole cesse d'être seulement correcte pour devenir portée. La voix soutient efficacement le discours, le débit, la fluidité, les variations, les nuances, autrement dit les qualités prosodiques, donnent au propos son relief. Le vocabulaire est riche, précis, et l'élève paraît engagé dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché de la tomate. Le marché de la tomate est mondialisé. Pour vous le prouver, je vais vous mimer une tomate qui se déplace de pays en pays. Au départ, elle est produite au Maroc, mais attention, avec des produits qui viennent du monde entier, c'est impressionnant. Hop, je change de pays. Magie de l'économie. Bon, c'est tout aussi nul comme démonstration, mais bon, voilà la leçon. Le jury n'évalue pas simplement si vous faites du bruit avec votre bouche. Il évalue si votre voix devient un véhicule crédible pour votre pensée. Il s'agit d'éviter les deux périls ordinaires. Parler trop bas et parler comme une machine à ticket de gare. Une voix vivante n'est pas forcément une voix tonitruante. C'est une voix qui module, qui assume, qui laisse entendre qu'un être humain se tient derrière les phrases. Deuxième critère, la prise de parole en continu. Nous entrons ici dans la mécanique du premier temps de l'épreuve, l'exposé. La grille regarde la capacité à tenir une parole suivie. Au niveau très insuffisant, on trouve des énoncés courts, des pauses multiples, de faux démarrages, ou bien à l'inverse, de longues phrases à la syntaxe mal maîtrisée. C'est le règne du trébuchement. Au niveau insuffisant, le discours est assez clair, mais schématique, avec un vocabulaire limité. Il avance, mais sans souffle, comme un vélo dont la chaîne patine. Au niveau satisfaisant, le propos devient articulé et pertinent. Les phrases sont bien construites, l'ensemble se tient. Au niveau très satisfaisant, le discours est fluide, efficace et tire pleinement profit du temps imparti. Le candidat développe réellement ses propositions au lieu de seulement les mentionner. Il faut bien comprendre ce point. Une bonne prise de parole en continu n'est pas un exploit littéraire, c'est une tenue. Tenir son propos, tenir son fil, tenir son temps. D'où une règle simple que j'ai vue confirmée chez tant d'orateurs, des plus modestes aux plus cabotins. Mieux vaut un texte solide, clair, praticable à l'oral, qu'un texte prétendument brillant, mais imprononçable. Et surtout, mieux vaut un texte que vous avez écrit que le texte d'un autre, si vous voyez ce que je veux dire. La phrase magnifique qui casse dans votre gorge n'est pas une phrase magnifique, c'est un piège. Il faut donc écrire pour la bouche et non pour la vitrine. Alors un conseil, écrivez à voix haute. Ce que je fais en règle générale, et en plus j'aime m'écouter. Allez, passons au troisième critère, la qualité des connaissances. Ici, nous quittons le domaine de la musique pour revenir à celui de la matière. Le grand oral n'est pas une séance de pure séduction. On peut draguer un jury avec de belles phrases, avec une jolie voix, mais il faut aussi des connaissances, des notions, des concepts, des repères, des exemples. La grille le rappelle avec la franchise presque touchante d'un rédacteur d'information préfectorale. Au niveau très insuffisant, les connaissances sont imprécises et le candidat se révèle incapable de répondre aux questions, même aidées. Au niveau insuffisant, les connaissances existent, mais leur mobilisation reste difficile lorsque le jury relance. Au niveau satisfaisant, les connaissances sont précises et peuvent être mobilisées dans les réponses avec éventuellement quelques relances. Au niveau très satisfaisant, elles sont maîtrisées. Les réponses témoignent d'une capacité à les utiliser à bon escient et à les exposer clairement. Ce critère de la qualité des connaissances a une conséquence stratégique capitale. Il ne sert à rien d'écraser votre exposé sous une avalanche de notions mal digérées, comme un étudiant fiévreux jetant ses fiches au visage d'un examinateur. Le jury sait très bien attendre l'entretien pour vérifier ce que vous savez vraiment. C'est important, le jury vous attend au tournant. La bonne méthode consiste donc à montrer que vos connaissances soutiennent votre pensée, non qu'elle l'étouffe. Une notion bien placée et maîtrisé vaut mieux qu'un inventaire de manuel. Et dans l'échange, ce qui compte n'est pas seulement de connaître, mais de savoir ressortir cette connaissance avec netteté. La mémoire n'a de mérite que si elle retrouve le bon tiroir au bon moment. Quatrième critère, la qualité de l'interaction. Ah, l'interaction. Cette chose si simple dans la vie ordinaire est si étrangement compliquée dès qu'une table, deux adultes et une pendule apparaissent dans la pièce. La grille évalue ici votre manière d'entrer dans l'échange. Au niveau très insuffisant, les réponses sont courtes ou rares et la communication repose principalement sur l'évaluateur. En termes plus francs, le jury tire la conversation comme on remonte un seau vide. Au niveau insuffisant, l'entretien amorce un échange mais l'interaction reste limitée. Au niveau satisfaisant, le candidat répond, contribue, réagit, se reprend, reformule à l'aide des propositions du jury. Au niveau très satisfaisant, il s'engage pleinement dans sa parole, il réagit de façon pertinente, il prend l'initiative dans l'échange et il exploite intelligemment les éléments fournis par la situation. Ce que le jury cherche au fond, c'est une intelligence en mouvement, une intelligence réactive, pas une statue savante ni un perroquet discipliné. Une interaction réussie ne suppose pas que vous répondiez à tout avec génie, elle suppose que vous entriez dans le dialogue de bonne foi, avec présence, précision, et un minimum d'audace sereine. Il est parfaitement permis, c'est un bon conseil que je vais vous donner, de reformuler une question, de demander une seconde pour réfléchir, d'ajuster sa réponse en cours de route. Ce n'est pas une faiblesse, c'est même souvent le signe d'une parole vivante. Le vrai danger ici, c'est plutôt l'extinction. Cinquième et dernier critère, la qualité et la construction de l'argumentation. Nous voici au centre nerveux du grand oral. Car au bout du compte, parler n'a d'intérêt que si quelque chose s'organise dans ce que vous dites. La grille commence sévèrement. Au niveau très insuffisant, il n'y a pas de compréhension du sujet et le discours demeure non argumenté, décousu. Au niveau insuffisant, une démonstration commence à poindre, mais le raisonnement reste lacunaire et la structure trop faible. Au niveau satisfaisant, la démonstration est construite, appuyée sur des arguments précis et pertinents. Au niveau très satisfaisant, on passe au seuil supérieur. Maîtrise des enjeux du sujet, argumentation personnelle, bien construite et raisonnée. C'est ici que beaucoup d'élèves se trompent. Ils croient qu'argumenter consiste à aligner quelques idées plausibles séparées par des « donc » de contrebande. Et il s'est passé ça, donc, et donc, et donc, et donc. Non. Argumenter, c'est conduire l'auditeur d'un point à un autre. C'est faire naître une logique. C'est donner l'impression que votre propos avance parce qu'il a une nécessité interne et non parce qu'il fallait bien remplir 10 minutes. Une bonne argumentation n'est pas forcément compliquée. Elle est lisible, elle a une colonne vertébrale. Et, détail non négligeable, le plus haut niveau de la grille valorise une argumentation personnelle. Voilà un mot important. Personnel. Le jury n'attend pas seulement que vous répétiez proprement le cours. Il attend que vous en fassiez quelque chose à vous. Autrement dit, il faut penser avec les savoirs, non à côté d'eux, mais avec eux. 5 critères, 4 niveaux, une note sur 20. Maintenant que nous avons traversé les 5 colonnes, une évidence apparaît. Le grand oral ne récompense ni la simple aisance ni la seule érudition. Il récompense une combinaison. Il faut une voix qui porte, il faut un exposé qui tienne, il faut des connaissances mobilisables, il faut une interaction vivante, il faut une argumentation construite. Et si l'une de ces pièces manque entièrement, l'ensemble peut chanceler. Peu seulement, je préfère vous rassurer. C'est ce qui rend l'épreuve redoutable pour certains, mais aussi profondément intéressante. Elle oblige à relier des compétences que l'école sépare souvent. Savoir, dire, organiser, répondre, incarner. Que l'école française sépare souvent, parce qu'il faut être honnête. L'institution vous demande un oral sans vous y avoir entraîné véritablement les années précédentes et sans vous donner les moyens véritables de le préparer l'année de terminale. Mais si cela ne semble pas être compris au ministère, ne vous inquiétez pas, le jury, lui, en est parfaitement conscient. La grille de correction est presque plus honnête que bien des évaluations traditionnelles. Elle dit explicitement que l'intelligence scolaire ne suffit pas si elle demeure muette et que la simple assurance ne suffit pas si elle flotte au-dessus du vide. Alors, je termine. Au fond, la grille d'évaluation du grand oral n'est pas une menace. C'est un mode d'emploi déguisé en tableau administratif. Elle vous dit ceci. Soyez audible, sachez de quoi vous parlez, entrez dans l'échange et construisez une vraie pensée. Ce n'est pas peu, mais ce n'est pas inhumain et encore moins surhumain. Alors je le confesse, sous ce masque de médecin d'épaisse qui a trop entendu les hommes parler pour ne pas les aimer encore un peu, pas beaucoup tout de même, les meilleures prestations ne sont pas toujours les plus spectaculaires, ce sont souvent celles où l'on sent une cohérence entre la voix, l'idée et la personne. Le jury, malgré ses stylos, ses cases et ses mines d'inquisiteur provisoire, reste sensible à cela. Il faut donc lire la grille, non comme un couperet, mais comme une invitation à préparer sa parole avec lucidité, une parole qui tienne, une parole qui réponde, une parole qui pense.